Isanganiro. Placide Niyomungere. Bonjour à tous, merci de nous rester fidèles et bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Les jeunes scouts rwandais qui ont été interdits de franchir la frontière de Kobero en destination de la province Gitega où se déroulent les activités de ce mouvement réunissant les pays de la communauté est-africaine n'étaient pas en ordre avec la loi des migrations. Cela vient d'être confirmé par le porte-parole adjoint du ministère de la Sécurité. Les élèves n'ayant pas réussi au concours d'admission de la 9e année et pour le moment qui sont au poste fondamental privé sont appelés à regagner les centres d'enseignement des métiers, sinon ils n'auront pas de diplôme, avertit le porte-parole du ministère de l'Éducation. Et plus de 200 agents de la société de gardiennage Torres à l'ambassade des États-Unis disent qu'ils vont porter plainte contre leurs employés. C'est après l'augmentation des heures de travail passant de 8 heures à 12 heures la nuit. Et en actualité internationale à la une, c'est la démission du premier ministre belge Charles Michel. Nous voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Je vous le disais dans les titres, le ministère burundais de la sécurité publique confirme l'information des 300 scouts rwandais interdits de franchir la frontière de Kobero vers le Burundi lundi soir. Moïse Nkurunziza, porte-parole adjoint de son ministère, fait savoir que ces Ougandais n'étaient pas en ordre avec la loi des migrations au Burundi. Cette source précise encore que le Burundi et l'Ouganda sont en bon terme et que la frontière reste ouverte. Pour rappel, ces scouts ougandais venaient se joindre à ceux de la communauté est-africaine dans des activités de ce mouvement en train de se dérouler sur la colline Bungere de la commune Makebuko en province Gitega. Et les forces de sécurité sont appelées à continuer l'opération d'enlever des effets militaires et policiers utilisés illégalement par des agents des sociétés de gardiennage. La directrice générale de la planification stratégique au sein du ministère de la Sécurité publique et de gestion des catastrophes l'a dit ce mercredi lors d'une réunion avec les représentants de ces sociétés. Menedol Nirandekura appelle les responsables de ces sociétés de gardiennage à faire inscrire dans les meilleurs délais leurs agents dans la société d'assurance INSS. Et les jeunes décident de déplacer de Yanyoni de la commune Giheta de la province Gitega affirment que la bonne cohabitation pacifique leur a permis de réaliser pas mal de choses, dont l'accès à leurs terres pour les travaux champêtres. Ils demandent néanmoins au gouvernement burundais de leur rendre disponibles les moyens financiers pour échapper à l'instrumentalisation des politiciens, ce qui aurait, disait-il, un impact négatif pour les prochaines élections au Burundi. De Gitega, Arthur Kavavouche. Ces jeunes décident de déplacer de Gagnoni de la zone Kabanga, commune Giheta, dans la province de Gitega, disent que même si dans le passé la cohabitation n'était pas bonne avec ceux qui sont restés sur les collines, maintenant ce n'est plus le cas. Ces jeunes indiquent qu'actuellement, ils peuvent se rendre sur leur colline d'origine et ceux qui y sont restés ne les regardent plus d'un mauvais œil et vice-versa. Ils affirment que même les réunions tenues par les administratifs, le message véhiculé est celui de la réconciliation, ce qui contribue à la consolidation de cette cohésion. Selon ces jeunes, ils y ont gagné certaines choses comme la bonne cohabitation et le fait de pouvoir se rendre sur leur colline d'origine pour cultiver leurs champs et contribuer dans les travaux de développement. Pour ce qui est des prochaines élections de 2020, ils vont y aller main dans la main pour leur bon déroulement si le climat politique qui prévaudrait à ce moment le permettrait. Ces jeunes appellent d'autres jeunes de ne pas beaucoup se fier aux politiques et plutôt de s'adonner aux travaux de développement et ne pas mettre en avant leur parti politique. Ils demandent à l'État de leur donner des moyens de s'autofinancer étant donné que les politiques peuvent exploiter leur pauvreté pour les instrumentaliser, ce qui aurait un impact négatif sur les prochaines échéances électorales. Arthur Kavabushi, Gitega, Radio Isanganiro. Merci Arthur. Et les élèves d'enseignement post-fondamental technique et privé n'ayant pas obtenu une note exigée au concours d'admission de la 9e année sont priés de regagner les centres d'enseignement du métier. Dans une conférence de presse que le porte-parole du ministère de l'Éducation a animée ce mercredi, Juma Edouard a tenu à souligner que ces élèves irréguliers n'auront jamais de diplôme et demande à tous les directeurs d'école d'être vigilants et de procéder à la vérification de la régularité du cursus scolaire des élèves. Je vous prie de le suivre. Les élèves n'ayant pas réussi au concours national de certification et d'orientation de 9e année et qui fréquentent actuellement les classes de 1er et 2e année dans certaines filières de l'enseignement post-fondamental technique sont priés de se faire inscrire dans les centres d'enseignement de métiers et les centres de formation professionnelle conformément à la réglementation ministérielle en vigueur. Le cas échéant, ils pourraient reprendre la classe de 9e année. Pour les élèves qui fréquentent les classes de 3e année dans certaines filières, mais qui se retrouvent dans la même catégorie de ceux qui ont échoué la 9e année et ou la 10e année, ils sont d'ores et déjà tenus de quitter les salles pour aller se faire inscrire dans les centres d'enseignement des métiers ou les centres de formation professionnelle. En outre, ils doivent savoir d'ores et déjà que le ministère dispose d'une base de données informatisée qui permet de les repérer facilement en fin de cursus et en conséquence de bloquer leur diplôme. Quand bien même la tricherie serait découverte après que le concerné ait déjà reçu son titre scolaire, diplôme ou certificat, le ministère se réserve le droit de l'annuler. Le ministère de l'Éducation, de la formation technique et professionnelle voudrait encore une fois interpeller tous les directeurs d'école et les instruire d'être vigilants et de procéder à la vérification de la régularité du cursus scolaire de tous leurs élèves, en particulier ceux nouvellement inscrits. De réagir rapidement aux demandes de transmission des dossiers de leurs élèves orientés dans d'autres établissements. Et enfin, de ne pas faire circuler les dossiers individuels aux mains des élèves. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Dans la suite de ce journal à 13h03 dans les studios de la radio Isanganilo, plus de 200 agents de la société de gardiennage Torres à l'ambassade des États-Unis disent qu'ils vont porter plainte contre leur employeur. Ces agents de gardiennage se désolent que leur employeur ait revu à la hausse les heures de travail passant de 8 à 12 heures pour ceux qui font la garde à la nuit. Ceux qui font la garde la nuit, ils indiquent aussi que leur employeur s'est aussi refusé de leur donner les copies de leur contrat de travail depuis 8 ans qu'ils sont au service. Ces agents de la société Torres ont suspendu le travail depuis le 1er décembre courant. Suivez un de ses représentants. Depuis 2010, quand nous avons commencé avec la société Torres VB, nous n'avons pas de copies de notre contrat. Nous n'avons pas du règlement d'ordre intérieur, nous n'avons pas du conseil d'entreprise. On a réclamé à l'entreprise la copie de notre contrat, le règlement d'ordre intérieur et le conseil d'entreprise. On a changé beaucoup à l'entreprise les conditions de travail. Auparavant, on travaillait et nous avons passé 5 ans en travaillant 5 jours par semaine, donc 60 heures par heure. Et mais après 5 ans, on a changé, on nous a obligés de travailler 6 jours par semaine, donc 72 heures par semaine. Et aujourd'hui, il vient encore une fois pour changer nos conditions de travail. Et il nous oblige de travailler étant en seul gardien pendant la nuit, alors qu'auparavant, on travaillait à deux pendant la nuit. Nous, on a vu que c'est impossible, c'est très dur, voire impossible de passer 12 heures de temps étant en seul gardien pendant la nuit. C'était un des représentants de plus de 200 agents de la société de gardiennage Torres à l'ambassade des États-Unis. Et nous avons cherché leur employeur qui nous a promis de réagir plus tard. Cette société Torres est d'origine américaine et au Burundi. Elle est représentée par la société Vigile Burundi. Et plus de 60% des ménages de la province Ruyigi qui reçoivent l'assistance monétaire dans le projet Merangabandi achètent des produits vivriers avec cet argent. Cette situation est normale selon le coordinateur du dit projet, puisque cette assistance est faite aux ménages plus pauvres. Néanmoins, il indique qu'un accompagnement va bientôt commencer pour que ces ménages puissent réaliser des projets de développement de Ruyigi. Nous appelons Jean-Claude Nchimiliman. L'assistance monétaire octroyée par le projet Melenhabandi aux ménages les plus pauvres de la zone Nyabitare en commune Gisuru de la province Ruyigi est essentiellement utilisée pour l'achat des produits vivriers. Joseph Vanzira, chef de la colline Nyabitare qui le dit, fait savoir que cela est dû au fait que ces ménages bénéficiaires ont des difficultés à avoir de quoi manger, ce qui limite la réalisation des projets de développement. Une autre limite au projet de développement, quelques femmes, peu nombreuses soient-elles, qui ont l'habitude de gaspiller leurs récoltes, gaspillent aussi cette assistance monétaire, de même que certains hommes qui, après avoir exigé à leurs femmes de leur remettre cet argent, en dépensent largement pour les boissons. Selon une enquête faite par Sylvestre Chimilimana, chargé du suivi évaluation au sein du projet Melenhabandi, 61,29% des ménages bénéficiaires de cette assistance s'en servent pour assurer l'alimentation familiale. Pour Michel Nyavenda, coordinateur du projet Melenhabandi, c'est une situation normale car toute personne très pauvre doit songer d'abord à l'achat de produits vivriers s'il perçoit de l'argent. Néanmoins, il fait savoir qu'un accompagnement pour le changement de comportement va commencer en janvier 2018 pour que ces ménages puissent réaliser des projets qui leur permettront de sortir de la pauvreté. Michel Nyavenda a dit cela ce mardi au chef-lieu de la province Ruyigi dans un atelier d'échange des réalisations déjà faites avec les partenaires du projet. Vous saurez que 11 948 ménages reçoivent déjà l'assistance monétaire sur 12 000 prévus dans la province Ruyigi. Jean-Claude Nshimirimana, Ruyigi, Radio Sanganiro. Actualité internationale. En actualité internationale, notre confrère Léon Sebitarion nous parle de la démission du premier ministre belge Charles Michel. Les élections qui se déroulent sont mercredi même à Madagascar pour départager deux candidats finalistes, ainsi que il nous parle également de la prochaine présidentielle en RD Congo voisine. Un peu moins de 10 millions d'électeurs sont appelés à élire leur président ce mercredi à Madagascar pour le deuxième tour de l'élection présidentielle. Il s'agit de départager les deux finalistes, Andry Rajoelina et Marc Ravalomanana, tous deux des ex-présidents. Mais les électeurs ne se pressaient pas dans les bureaux de vote à l'ouverture du scrutin selon RFI, qui écrit que le gouvernement a décrété cette journée fériée pour inciter les gens à aller voter. Au premier tour, le 7 novembre dernier, 45% des électeurs ne sont pas venus voter. Et pour ce second tour, les deux candidats qui sont au coude à coude ont sillonné le pays ces dernières semaines pour tenter de convaincre les indécis. À quelques jours de la présidentielle en RD Congo, le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu hier mardi à New York une réunion à huis clos. Il s'est dit inquiet des incidents de ces derniers jours, même s'il accueille favorablement les progrès accomplis dans l'organisation technique des élections. Pour les membres du Conseil de sécurité, la date du 23 décembre constitue une opportunité historique de voir le premier transfert démocratique et pacifique du pouvoir en RD Congo. Les élections sont présentées dans leur déclaration comme l'expression de la souveraineté de la population, mais aussi du gouvernement. Le Premier ministre belge Charles Michel a annoncé hier soir sa démission devant la Chambre des représentants députés. Il s'est ensuite rendu au Palais Royal pour présenter formellement sa démission au roi Philippe. Celui-ci tient sa décision en suspense selon encore RFI, ce qui ouvre la porte à un gouvernement en affaires courantes dont Charles Michel, le démissionnaire, resterait le Premier ministre en attendant. Charles Michel a été victime de l'utilisation par la droite flamande du pacte de Marrakech sur l'immigration comme argument politique. Merci Léon. C'est ainsi que se referme cette édition. Mais avant de vous quitter, je vous rappelle que les jeunes scouts rwandais qui ont été interdits de franchir la frontière de Kobero en destination de la province Gitega où se déroulaient les activités de ce mouvement réunissant les pays de la communauté est-africaine n'étaient pas en ordre avec la loi des migrations. Cela a été confirmé par le porte-parole adjoint du ministère de la Sécurité. Et les élèves n'ayant pas réussi au concours d'admission de la 9e année pour le moment qui sont au poste fondamental et privé sont appelés à regagner les centres d'enseignement des métiers. Sinon, ils n'auront pas de diplôme, a averti le porte-parole du ministère de l'Éducation. Et plus de 200 agents de la société de gardiennage Torres à l'ambassade des États-Unis disent qu'ils vont porter plainte contre leur employeur. C'est après l'augmentation des heures de travail passant de 8 heures à 12 heures pour ceux qui montent la garde la nuit. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Rick Wimana pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Placide Niamongere. Au revoir.